sais-tu, Alexandre, que le Père Noël est un grand timide ? Ah, tu savais pas, hein ? Et effectivement, pourquoi ne voit-on jamais le Père Noël ? Se demandent les enfants. On ne le voit jamais à la télévision. Ah si, on voit des Pères Noël à la télévision. Mais entre nous, ce sont des comédiens. On l'entend jamais à la radio. Bon, je suis le Père Noël. N'importe qui peut faire le Père Noël à la radio. Et dans les rues ? Mais dans les rues, on voit beaucoup de faux Pères Noël. Oh, il y en a même qui courent. Le 9 décembre, à Essey-lès-Nancy, il y a eu la foulée des Pères Noël. Oh, il y avait plus de 100 concurrents costumés en Père Noël. Alors pourquoi ? On se demande bien pourquoi on ne le voit jamais. Ben tout simplement parce que le Père Noël est un grand timide. Il essaie par tous les moyens d'éviter les regards. Ben, il est chaussé de grandes bottes pour se cacher. Il porte un bel habit rouge, car il est coquet, le Père Noël. Lorsqu'il rougit, c'est plus joli. Et surtout, il attend que la nuit soit bien noire pour aller porter les cadeaux. Alors quelques jours avant le soir de Noël, le Père Noël commence à avoir peur. Il se ronge les ongles. Ah, il n'a plus faim. Il a la boule au ventre. Et il finit par s'enfermer tout seul dans sa chambre. Alors vous savez que le Père Noël est assisté par des lutins. Et ces lutins essaient de le réconforter. Il y a le lutin conteur qui lui raconte de belles histoires. Le lutin cuisinier lui prépare un bon bol de chocolat chaud onctueux avec de bonnes tartines de pain frais. Puis, doucement, la nuit descend et les lutins l'encouragent de plus belle. Père Noël, il fait nuit noire, tu peux sortir. Personne ne te verra. Père Noël, il est bien tard. Tout le monde est au lit, personne ne te verra. Alors le Père Noël rassemble tout son courage. Il monte dans son traîneau en tremblant juste un petit peu. Et en parlant dans sa barbe, il dit doucement à ses 9 reines « Allez, en avant !» Et c'est pour cela que les parents disent à leurs enfants « Si vous essayez de voir le Père Noël, il ne viendra plus !» Douce nuit d'Anna Mouskouri. Adorer le Fils. Et maintenant, un groupe de 6 enfants, de 11 à 14 ans. Il s'appelle Vox Angeli, les anges dans nos campagnes. Avant 1938, le traîneau du Père Noël était tiré par 8 rennes. Il y avait Tornade, le plus rapide, Danseur, le plus gracieux, Fury, le plus puissant, Fringant, belle et puissante elle aussi, Comète, qui apporte le bonheur aux enfants, Cupidon, l'amour, Tonnerre, le plus fort, et éclaire la lumière. Mais en prenant de l'âge, la vue du Père Noël a baissé. Ben oui, il est vieux le Père Noël. Et Rudolf est venu compléter l'attelage, grâce à son nez rouge, d'une luminosité incroyable. C'est devenu le guide durant toute la distribution de cadeaux de la nuit de Noël. Lucienne Vernet nous parle de ce petit Reine au nez rouge. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange né rouge. Tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge le chariot du Père Noël. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de Nez Rouge annonçant le Père Noël. Vous désirez un conte de Noël, ça tombe bien, j'en ai un autre. Le Noël de Léo. Grand-mère est venue pour les vacances. Elle aide Léo à préparer le grand jour de Noël. Ensemble, ils ont fabriqué des guirlandes, préparé la liste des cadeaux et décoré le sapin avec des boules multicolores. Et ce matin, Léo a ouvert la dernière fenêtre de son calendrier de l'Avent. Vous savez, le calendrier aux friandises. C'est aujourd'hui Noël ? C'est bien aujourd'hui ? Ah non, pas encore. Demain matin, lui répond sa grand-mère. Le Père Noël doit traverser tous les pays depuis le pôle Nord. Et c'est loin. Mais grand-mère, comment fait-il pour avoir assez de jouets pour tous les enfants du monde ? Ah, c'est une bonne question, mon Léon. Et il faut bien le dire, parfois il y a des problèmes. À la fin de sa tournée, quand le Père Noël arrive à la dernière maison, il n'a plus rien dans sa hotte, plus un jouet, plus un seul cadeau pour le dernier enfant. « Mais c'est pas juste !» répond Léon. C'est pas juste. Ah ben oui, il est lorrain, Léo, il a l'accent. C'est pas juste. Oh, il est méchant, le Père Noël. Non, il n'est pas méchant. L'enfant n'a peut-être pas pu faire sa lettre. Ou bien cette fameuse lettre s'est-elle perdue? Ou parfois, un autre enfant a demandé tant et tant de cadeaux qu'il n'y en a plus pour le dernier. C'est pas juste. Oh, c'est pas juste, chuchote Léo. Soudain, il a une idée. Il se précipite dans sa chambre et renverse sa caisse de jouets. Oh, oh, oh, ce lapin. Bah, il ne s'en souvenait plus. Ah oui, bah, il ne joue plus avec. Hein. Ça fera plaisir à un petit. Et ces gros cubes en mousse, il le connaît par cœur et puis il ne joue plus depuis longtemps. Hein. Et cette voiture, bah, elle est très belle, mais il en a deux pareilles. Quand Léo revient au salon, il a les bras chargés de jouets. Il les dépose près de ses chaussons, au bas du sapin, et dit à sa grand-mère, « Tu vois ? Si le Père Noël est en panne de cadeaux, il prendra mes vieux jouets pour les donner au dernier enfant. Ça sera plus juste. » Et maintenant, c'est Noël. Comme chaque année, Pierrot a des jouets plein la cheminée. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret.

C'est mon Noël, le premier de ma vie. Où le rêve ne m'est plus interdit. Vous voulez encore un conte ? Ah bah oui, mais attends, c'est que j'en ai plus, moi. Bah, je vais essayer de me souvenir de celui-ci. Ah, vous me pardonnerez si je me rappelle pas tout à fait. Plus tard, je serai. L'autre jour, à l'école, nous avons eu une discussion très sérieuse sur le métier qu'on aimerait faire plus tard. La maîtresse nous a laissé parler. Oh, c'était génial. Laurent a commencé le premier. Ouais, il a dit « Quand je serai grand, je serai chef-pompier et j'éteindrai des incendies toutes les 5 minutes. Oh. » Gaël a ajouté « Moi, je serai maman. » Ah, toute la classe a rigolé. Gaël s'est mise à pleurer et la maîtresse l'a embrassée pour la consoler. Ensuite, Julie s'est exclamée « Moi, je serai la plus grande alpiniste du monde. » Oh, ça finira par arriver. Dès qu'elle a 1 minute, elle grimpe. Elle grimpe sur n'importe quoi. Même que l'autre jour, les pompiers l'ont récupérée sur le toit de l'école. Enfin, mon tour est venu de parler. Alors j'ai respiré un grand coup avant de déclarer « Quand je serai grand, je serai Père Noël. » Ah, il y en a un déjà, un ricané Juliette. J'ai expliqué. Oui, c'est vrai, seulement il commence à se fatiguer. Et bientôt, il aura besoin de se reposer. Alors, je serai le nouveau Père Noël. J'ai déjà de bonnes idées pour le remplacer. D'abord, je distribuerai les jouets 2 fois dans l'année. Oh, j'adorerais ça, soupirait Alice. Très fière de moi, j'ai continué. Comme d'habitude, il y aura le Noël d'hiver, le 25 décembre, mais aussi le Noël d'été, le 25 juillet. « Génial, génial !» a crié toute la classe. L'hiver, je continuerai à habiter au pôle Nord avec les rennes. Mais l'été, j'habiterai en Égypte, au bord du Nil. Les pyramides, vous savez, les pyramides. Seront remplis à craquer de bonbons et de jouets. Et le 25 juillet, les crocodiles m'aideront à distribuer dans les cheminées. Les crocodiles ne savent pas voler, s'est exclamé Paul. J'haussais les épaules. Écoute, Paul. Les crocodiles apprendront à voler aussi bien que les rennes. Et à califorchon sur leur dos, j'irai dans tous les pays. Oh ! Il y eut un grand silence dans la classe. Même les mouches se sont arrêtées de bourdonner. Pas de doute. C'était une bonne idée. L'embêtant, c'est que maintenant, mes copains veulent tous devenir Père Noël, comme moi. J'ai beau leur expliquer que la place est prise, qu'un Père Noël à la fois, ben ça suffit, hein. Rien à faire, ils ne veulent pas m'écouter, mais ce n'est pas la peine que je m'énerve. Le Père Noël est au courant de tout ce qui se passe sur Terre. Or forcément, il sait que c'est moi qui ai eu le premier l'idée de le remplacer le jour où il prendra sa retraite. Voici venir Noël, Franck Michael. « voici le traîneau du Père Noël. Dans le vent, on peut entendre ses clochettes, et il va traverser tout le ciel pour porter des cadeaux en ce jour de fête. Voici qu'est venu le temps béni, des sapins couverts de neige et de la crèche, et des souliers dans la cheminée. C'est la nuit de tous les enfants sages. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, les boules, les guirlandes dorées, vive la nuit où le divin enfant est né. Voici venir minuit, car c'est l'heure où les cloches sonnent sur toute la terre. Dans l'église monte la ferveur, des chants de Noël, des orgues et des prières. Sur leurs lettres écrites au Père Noël, les enfants, qu'ils soient bruns ou bien têtes blondes, ont demandé l'amour et la paix en cadeau pour tous les hommes du monde. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, les boules, les guirlandes dorées, vive la nuit où le divin enfant est né. Vive les bonhommes de neige, vive l'hiver et son cortège, son manteau blanc et le vent qui s'en va chantant. Et vive les marrons glacés, les boules, les guirlandes dorées, vive la nuit où le divin enfant est né. Vive la nuit où le divin enfant est né. Vive la nuit où le divin enfant. C'est une véritable idole pour les enfants, des chansons pleines de tendresse, et les enfants ne s'y trompent pas. Joyeux Noël, Henri Dez. Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau. Petit gâteau sucré à toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Je donne un petit baiser, tu donnes un petit baiser, on donne un petit baiser mouillé à toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Ne partirai pas, et tu ne partiras pas, et on ne partira pas avant d'avoir chanté à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Ah, tu te rends compte, Alexandre? Il me redemande un compte. Ben, qu'est-ce qu'on fait? T'en as, non? Non, t'en as pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? T'avais une idée, non? Ah, peut-être que si, j'en ai un, mais qui se passe dans les Vosges? Dans les Vosges, dans le petit village de Grand, près de Neuchâteau. Vous connaissez? Allez, c'est l'histoire de Chien perdu. On y va? Il faisait très froid ce soir-là. Dans les maisons, les enfants étaient contents. Cette nuit, le Père Noël allait leur apporter des jouets. Mais c'est dommage, il n'y a pas de Père Noël pour s'occuper des animaux. Et cette nuit, comme les autres nuits, Chien perdu allait avoir très froid. Et il marchait le long de la rue de la Chapelle, sans trop savoir où il allait. Soudain, il aperçut une maison. Oh, c'était le numéro 2. Chien perdu s'approchait et, sans faire de bruit, se glissa dans le garage. À peine était-il entré que quelqu'un vint fermer la porte du garage sans voir le chien caché derrière la voiture. Bah, le chien perdu était content. Il n'avait plus froid. Bah, c'était toujours ça de gagner. Alors il se coucha pour dormir. Mais au bout d'un bon moment, de délicieuses odeurs vinrent lui chatouiller les narines. Il ne put s'empêcher de venir renifler sous la porte qui conduisait à la cuisine. Là, tout près de lui, derrière la porte, on parlait, on riait, on mangeait. Ah, Chien perdu aurait bien voulu faire partie de la fête, hein, mais il savait qu'on ne voudrait pas de lui. Tristement, il revint se coucher derrière la voiture et essaya d'oublier qu'il avait très faim. Au bout d'un très long moment, Chien perdu se rendait compte qu'il n'entendait plus de bruit. Il vint écouter près de la porte. Ah non, vraiment, il n'y avait plus personne. Alors il se dressa sur les pattes de derrière, appuya les pattes de devant sur la poignée de la porte et entra dans la cuisine. Oh, les habitants de la maison devaient être bien fatigués. Ah oui, ils étaient partis se coucher et sans rien ranger. Sur la table, ils avaient laissé des assiettes avec des restes de dinde, de chiche kebab, tiens, et des restes de bûche. Oh, Chien perdu n'hésita pas. Hein. Il posa ses deux pattes sur la table et à grands coups de langue, il nettoya les assiettes. Mais tout d'un coup, crac ! Il fit tomber une assiette qui se cassa en 1000 morceaux avec un bruit terrible. Pourvu qu'il n'ait réveillé personne. Il écoute, et il entend des pas. Son cœur se met à battre très fort. Quelqu'un arrive, et quelqu'un va sans doute le battre parce qu'il est rentré sans permission. Quelqu'un qui va le chasser dans la nuit froide. La lumière s'allume. Un petit garçon regarde Chien perdu. Et Chien perdu regarde le petit garçon. « J'ai entendu du bruit, » dit le petit garçon. « J'ai cru que c'était le Père Noël. Et c'était toi ? Comment es-tu rentré ? Tu es venu avec le Père Noël ?» Le petit garçon va dans le salon et Chien perdu se dépêche de le suivre. Là, au pied du sapin, il y a plein de cadeaux. « Ah, écoute, je ne sais pas si tu es venu avec le Père Noël ou si tu es venu tout seul, » lui dit le petit garçon en le caressant. « Mais bon, moi, j'aimerais bien te garder. J'ai une idée. Couche-toi là au milieu des cadeaux et surtout, sois sage. Le lendemain, le petit garçon se réveilla de bonne heure et vint frapper à la porte de la chambre de ses parents. Oh, ils auraient bien voulu dormir encore un peu, mais il les embêta tellement qu'ils se levèrent. Alors ils descendirent tous ensemble au salon et virent Chien perdu couché sous le sapin au milieu des cadeaux. D'où sort ce chien ? S'écria le papa. Attends, je vais te le virer, moi. Oh, j'espère qu'il n'a pas de puce, s'écria la maman. Attends, moi je vais chercher du balai. Oh, il est beau, s'écria le petit garçon. C'est un cadeau du Père Noël. Les parents voulurent chasser le chien perdu, mais il les regarda d'un air si doux, si gentil, qu'ils n'osèrent pas. Et puis, c'était un cadeau du Père Noël. Et il ne faut jamais contrarier le Père Noël. Hein. C'est ainsi qu'une nuit de Noël, Chien perdu retrouva une famille. Fin du conte. Vous savez que le Zouk est totalement intégré dans l'émission Patchwork de dimanche matin sur deux. Et nous avons fait une petite place à Médina Bardin, qui nous vient spécialement des Antilles avec un petit Papa Noël pour le moins inattendu. Petit Papa Noël en Zouk, Médina Bardin. Les jours. notre émission jusqu'à présent, par ses chansons et ses contes, s'est adressée surtout aux enfants. Alors la prochaine chanson, elle est pour les grands. Nous allons demander aux enfants d'aller chercher les adultes qui ne seraient pas à l'écoute. D'autant plus qu'ils seront mis à contribution peu après. Alors, la chanson qui vient, c'est la prière émouvante d'une pauvre fille des rues qui ne doit pas nous laisser indifférents. Une chanson collector de 1933 qui prend aux tripes un jour de Noël. Prière de la Charlotte, Angèle Coutu. Regardez-moi ça, cette espèce de bande de fourneaux. Ça vous bouscule, ça vous demanderait seulement pas pardon. Va donc, hé, Fauchman, et purée. Ce soir, pardi, c'est le réveillon. On voit passer que des rigoleurs. Je gueulerai au feu ou au voleur. Personne n'y ferait attention. Ah, tenez yeux, c'est le Saint Poivreau. Oh. Oh, oh, tout chahute, tout flambe, tout reluit. Les restaurants, les bistrots, ils ont la permission de la nuit. Tout chacun pense qu'à croustiller. Il y a plein de monde dans les rôtisseries, les épices noires, les charcuteries. Oh, ça sent bon le boudin grillé. Présent Jésus est né. Dans les temps, quand il s'est amené, s'il gelait comme il gèle cette nuit sur la paille de votre écurie, vous avez bien dû avoir frayé, ô Jésus, et vous, Vierge Marie. Je suis là, Sainte Vierge, à mon coin de rue, où depuis l'apéro je bats la semelle. Je suis qu'une ordure, une fille perdue. C'est la Charlotte qu'on m'appelle. N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâchée qu'une fille d'amour pleine de péchés vous cause ce soir à sa manière pour vous expliquer ses misères? N'est-ce pas que vous n'êtes pas fâchée? Allez, bim, là, on me bouscule. Et avec des litres, des pains de 4 litres, des assiettes d'huîtres. Mais regardez-moi cette espèce de chameau. Oh, oh, pardon, excuse, Vierge Marie. Voilà que j'ai encore dit un vilain mot. C'est vrai que j'ai quitté le chez nous, mais c'était que la dèche et les coups. C'était un vrai enfer, Sainte Vierge. Et, soit dit sans être une effrontée, vous-même, y seriez pas restée. Eh ben, c'est pas des boniments, c'est vrai. Je vous le jure, Vierge Marie, malgré comme ça que j'ai fait la vie, j'ai pensé à vous bien souvent. Je revois votre belle robe bleue, votre voile, même qu'il était piqué d'étoiles. Votre belle couronne d'or sur la tête, votre petit trésor sur les bras. Eh bien, si vous vouliez, Sainte Vierge, faire ce soir quelque chose pour moi, pour le temps que j'étais pas une impie, vous n'avez qu'à lever le petit doigt et pas vous occuper du reste. Oh, je vous demande pas des choses pas honnêtes. Faites seulement que je trouve et ramasse un porte-monnaie avec galette, perdu par un de ces mufles qui passent, à moi plutôt qu'au balayeur. Ou alors, si vous voulez pas, vous pouvez pas, Vierge Marie. Oh, vous allez me trouver bien hardi. Alors, faites-moi tout de suite sauter le pas. Et puis amenez-moi avec vous. Prenez-moi dans le paradis, où ce qu'il fait chaud, où ce qu'il fait doux, où plus jamais je ferai la vie. Oh oui, amenez-moi, dites, amenez-moi, avant que la nuit soit passée et que je sois encore ramassée. Amenez-moi, dites, je vous en prie, où j'en peux plus de grelotter. Tenez, allumez mes mains gercées, mes petits souliers découverts. J'ai toujours mon costume d'été que j'ai fait teindre en noir pour l'hiver. Oh oui, dites, amenez-moi. Et comme il doit y avoir du chemin, si des fois vous vous sentiez lasse, Vierge Marie pleine de grâce, de porter à bras notre Seigneur, un enfant c'est lourd à la fin. Vous me le repasserez au moment, et puis moi je le porterai à mon tour, sans le laisser tomber par terre. Comme je faisais chez mes parents, la petite maman dans les faubourgs, quand je trimballais mes petits frères. Vierge Marie, pleine de grâce, vous qui êtes bénie entre toutes les femmes, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'était la prière de la Charlotte. Voilà, toute la famille est maintenant réunie et nous allons conclure cette spéciale Noël en chantant tous ensemble, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les beaux, les moches, les jeunes, les moins jeunes, ainsi que tous ceux qui sont tout seuls. Ça serait formidable si nous reprenions tous ensemble le refrain de la chanson suivante. Attention, je vous ai à l'œil. Et je verrai ceux qui ne chantent pas. Bonne fête et joyeux Noël à tous. Gloria, Alléluia, Chantal Paris. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit.